va combler nos désirs. Un Christ va combler nos désirs. Chantons et qu'on ouvre sa part. Un Christ va combler nos désirs. Un Christ va combler nos désirs. Unissons-nous pour soutenir sa gloire. Puisqu'il besoin de nos plaisirs. Unissons-nous pour soutenir. Loin d'ici, trop faible, mortel. Faut que l'amour retienne mon esclavage. Loin d'ici, trop faible, mortel. Ne venez point à un ami hommage, profaner ses sacrés hôtels. Ne venez point par un acquis hommage, profaner ces sacrés hôtels, profaner ces sacrés hôtels. Chantons, dansons et qu'on ouvre sa part. Christ va combler nos désirs. Christ va combler nos désirs. Chantons, dansons et qu'on ouvre sa part. Christ va combler nos désirs. Christ va combler nos désirs. Unissons-nous pour soutenir sa gloire. Puisqu'il prend soin de nos plaisirs. Unissons-nous pour soutenir sa gloire. Ah.